Il en découvrit la cause. Elle rêvait mariage, elle aussi. Frédéric en fut exaspéré. D'ailleurs, il se rappelait son apparition chez Madame Arnoux, et puis il lui tiendrait rancune pour sa longue résistance. Il n'en cherchait pas moins qu'elles avaient été ses amants. Elle les niait, tous. Une sorte de jalousie l'envahit. Il s'irrita des cadeaux qu'elle avait reçus, qu'elle recevait, et, à mesure que le fond même de sa personne l'agaçait davantage, un goût d'essence, âpre et bestial, l'entraînait vers elle, illusion d'une minute qui se résolvait en haine. Ses paroles, sa voix, son sourire, tout vint à lui déplaire, ses regards surtout, cet œil de femme, éternellement limpide et inepte. Il s'en trouvait tellement excédé quelquefois qu'il aurait vu mourir sans émotion. Mais comment se fâcher? Elle était d'une douceur désespérante. Deslauriers reparut et expliqua son séjour à Nogent en disant qu'il y marchandait une étude d'avoué. Frédéric fut heureux de le revoir. C'était quelqu'un. Il le mit entière dans la compagnie. L'avocat dînait chez eux de temps à autre et, quand il s'élevait de petites contestations, se déclarait toujours pour Rosanette, si bien qu'une fois, Frédéric lui dit « Hé, couche avec elle si ça t'amuse !» tant il souhaitait en hasard qu'il en débarrassa. Vers le milieu du mois de juin, elle reçut un commandement où maître Athanase Gautereau, huissier, lui enjoignait de solder 4 000 francs dus à la demoiselle Clémence Vannaz, sinon qu'il viendrait le lendemain la saisir. En effet, des 4 billets autrefois souscrits, un seul était payé, l'argent qu'elle avait pu avoir depuis lors ayant passé à d'autres besoins. Elle courut chez Arnoux. Il habitait le faubourg Saint-Germain et le portier ignorait la rue. Elle se transporta chez plusieurs amis, ne trouva personne et rentra désespérée. Elle ne voulait rien dire à Frédéric, tremblant que cette nouvelle histoire ne fût du tort à son mariage.